Bonjour et bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, comme ça, on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Cette semaine, on compresse les chroniques CNX de la semaine du 11 janvier 2010. Il va y avoir Utile Truc, Nouvelles du futur et Le Fil, tout ça en plus de musique, de jeux vidéo. Et CNX, cette semaine, célèbre sa 6e année sur les ondes de C'est fou. Donc, je tenais à le souligner, la première émission de CNX qui a été diffusée en direct le 13 janvier 2004. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien vers cette merveilleuse émission. Tantôt, on commencera avec la chronique de mardi. La première de la semaine, c'est Utile Truc, mais on commence en musique. On s'en va entendre une pièce qui vient de l'album Remix qui est sorti en mars 2008. C'est par l'artiste Jason 6955 de Groot. Voici NMH 6955 Mix. Tout de suite à CNX.zip au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. We'll be right back. La pièce LMH 6955 Mix par Jason 6955 de Groot. C'est un remix d'une pièce originale de Masafumi Takada. Ça vient de No More Heroes Soundtracks Dark Side, qui est un album de remix sorti en mars 2008. Allez trouver les liens de toutes les pièces diffusées dans l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Vous êtes à CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Voici la chronique de mardi dernier, Utilitruc. Mardi. Et une chose dans la chronique technologique, CNX, la chronique la plus geek de la radio, et bien c'est Utilitruc. Donc, on vous présente des trucs, des logiciels, des sites web qui vont vous simplifier la tâche, une tâche que vous avez si vous êtes un moyennement geek. Ça, on ne veut pas aller à l'extrême. Il y a des choses qui ne sont pas appropriées pour une chronique comme celle-là, genre que les gens ne comprendront rien. On va essayer de simplifier ça un peu. Le but, évidemment, c'est que je puisse comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop compliqué. C'est une grosse mission, ça, par exemple, Kevin. Commençons par quelque chose d'assez simple. C'est le Simple Boss Key, qui est un ajout pour Firefox. Bon, je pense que rendu en 2010, la plupart des gens ont Firefox ou savent à peu près ce que c'est. C'est un furteur alternatif à Internet Explorer. Donc, c'est une façon d'aller sur Internet qui est un petit peu plus sécuritaire. Bref, un ajout à ce logiciel-là, ça se fait très, très bien. C'est Simple Boss Key. Parce que vous voulez protéger votre patron, presque. Parce que votre patron pourrait être offusqué en voyant certaines choses que vous faites au travail. Donc, ça vous protège, vous, de votre patron qui pourrait voir potentiellement un site qui est peut-être potentiellement pas très correct. Ou encore, ça pourrait protéger votre patron qui pourrait être offusqué parce que lui, il a l'âme sensible. T'sais. Si tu vas sur Internet, tu niaises, des fois, il y a des pages que tu ne devrais pas aller voir. Le Simple Boss Key, c'est que tu appuies sur F12 et ça minimise le furteur d'un coup sec. Directement, minimise, fouing, F12, fouing, ça le cache complètement, bye bye, là, le furteur. Tu sais, c'est mieux, c'est plus facile que de faire, bon, en haut à droite, bouton minimiser, ou encore peut-être Windows D, qui va aussi minimiser les fenêtres sur votre bureau. Bref, Simple Boss Key, c'est simple. Bon. Un bon petit truc pour les gens qui aiment Dropbox. Est-ce que tu connais Dropbox? Non. Pas du tout. C'est ça. C'est un petit logiciel que tu peux installer sur un Mac, sur un PC, sur plusieurs, même ton iPhone. Tu peux installer ce logiciel-là sur tout plein de tes ordinateurs, au bureau, au travail, à la maison, n'importe quoi. Et ça va synchroniser les fichiers entre. Et bien ici, c'est pas de ça que je veux parler parce que Dropbox, ça a fait le tour. Je veux dire, à un moment donné, si vous êtes pas encore au courant, c'est que vous avez sûrement aucune utilité pour ce logiciel-là, pareil. C'est tellement 2009. Exactement. Donc on n'en parlera pas. Non, c'est ça. Le truc que je voulais vous mentionner, c'est un beau petit truc qui a été en fait dit par Lifehacker, entre autres, c'est si vous utilisez BitTorrent, le partage de fichiers sur Internet, là, que ce soit pour des choses légales ou illégales, avec Dropbox, vous pouvez faire un petit dossier dans votre dossier Dropbox, parce que ça crée un petit dossier sur chacun de vos ordinateurs. Vous créez un dossier, par exemple, Torrent, d'accord? Et aussitôt que vous allez mettre un fichier dans ce truc-là, ça va se partager à tous les ordinateurs. Donc, vous savez qu'à programmer votre logiciel de BitTorrent, par exemple, uTorrent sur PC ou encore Transmission sur le Mac, des logiciels très, très bons, et là, ça va surveiller. Vous pouvez aller dans les options et demander de surveiller un dossier pour chercher des torrents. Donc, une fois que vous avez mis votre fichier dans votre dossier dans Dropbox, d'accord, ça va se synchroniser partout et votre logiciel de torrent va tout le temps le voir sur votre ordinateur. Donc, vous êtes au travail, vous lâchez un fichier dans le dossier torrent et votre logiciel à la maison va tout le temps aller prendre votre dernier fichier. Donc, aussitôt que tu as une émission, par exemple, que tu veux télécharger, tu le mets dans ton petit dossier et à la maison, qu'est-ce que ça fait? Ça voit ce dossier-là. Poing! Je trouve que c'est très, très, très intelligent. Donc, faites-vous un dossier Torrent dans Dropbox. Programmez votre logiciel de Torrent pour regarder dans ce dossier-là et le travail va se faire tout seul. Bon. C'est un petit peu complexe comme ça, là, mais pensez-y un petit peu. Si vous utilisez un... J'essayais de l'expliquer. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui comprennent pas, passent au prochain sujet, tu sais. Ben non, mais c'était bien, je trouve. Quand même. Bon. Vous connaissez peut-être, si vous avez un Mac, il y en a des gens qui ont un Mac, bon. Vous connaissez peut-être Dashboard, qui est l'option très facile. C'est comme les widgets dans Windows, si je peux l'imager un petit peu. Tu sais, les widgets à droite, là, l'horloge, le petit bloc-notes, etc., dans Windows. Excepté que sur le Mac, c'est sur l'écran. Donc, vous appuyez sur un bouton sur votre clavier et tous les widgets apparaissent par-dessus le reste. Des fois, ça peut être un petit peu lent à charger au premier coup. Quand vous appuyez pour la première fois sur le dashboard après un redémarrage, c'est lent. Donc, il y a un logiciel extrêmement pratique qui s'appelle Dashboard. Ça m'énerve la voix de la fille qui parle en arrière. Je m'excuse. Il fallait que je le dise comme ça. Ça m'énerve. Donc, Dashboard Kickstart, c'est un petit panneau de préférence qui est écrit par Alwin Troost, qui fonctionne tout le temps à l'arrière-plan. Aussitôt que vous démarrez l'ordinateur, et va s'occuper de démarrer votre dock votre dock et vos widgets à l'avance. Ça fonctionne super bien, j'ai essayé chez moi. Aussitôt qu'on appuie sur le bouton, tout est parti. Parce que d'habitude, quand les widgets arrivent, c'est très très long avant de charger le bloc-notes avec vos petites affaires dedans, votre calculatrice, c'est long. Donc bref, ça s'appelle Dashboard Kickstart, c'est super simple. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Un autre truc Mac, je vais essayer de ne pas passer trop de temps dans le Mac. AirLock qui permet au Mac de se barrer d'un coup sec en utilisant votre iPhone ou iPod Touch avec du Bluetooth. Un petit peu de magie, hein? AirLock détermine si vous êtes prêt de votre ordinateur ou pas. Donc, aussitôt que vous quittez la pièce, le Mac se met en veille. C'est génial. Vous pouvez aussi le paramétrer pour faire des actions spécifiques. Par exemple, vous déconnectez votre session, ouvrir votre logiciel de chat préféré, promener votre chien, etc. Donc, ça s'appelle AirLock. C'est génial. Todo, qui est au TEUX.com. Donc, c'est comme deux, mais TEUX. C'est un site web qui vous permet de prendre des notes de choses que vous avez à faire. C'est comme un couteau suisse de choses à faire et c'est super joli. L'interface est très bien. Donc c'est todo.com, T-E-U-X-D-E-U-X. Pensez au chiffre 2 puis mettez un T au début. Ensuite, Nocturne, c'est le nom de notre prochain logiciel. En fait, c'est encore pour Mac. Hein? J'en ai pris des choses de Mac aujourd'hui. Hein. Mais c'est, tu sais, si vous utilisez votre ordinateur la nuit, le soir, vous couchez dans le lit, et là, vous allez sur des sites Internet. Hein? Vous savez que sur le Mac, il y a un paramètre qui vous permet d'inverser les couleurs pour la nuit. Et bien, celui-là vous permet de paramétrer encore plus ça. Ça s'appelle Nocturne. J'irai pas dans les détails, mais sur un MacBook Pro, ça peut utiliser votre caméra pour détecter la lumière, parce que le MacBook Pro fait ça déjà. Il peut descendre votre luminosité quand il fait noir et la remonter quand il fait soleil. Dans ce cas-ci, quand ça inverse les couleurs, ben, ça peut aussi se servir de ça. C'est super cool. Tu connais peut-être CCleaner? Non. Non, ben, c'est un logiciel qui permet de nettoyer son ordinateur de toutes les cochonneries qui se ramassent avec le temps. Et ben, le même fabricant de CCleaner a aussi un logiciel qui s'appelle Specchi. Je vais le prononcer Specchi. S-P-E-C-C-Y. Qui est au piriforme.com/specchi. Une addition récente à cette famille de logiciels qui rassemble des informations sur votre matériel, sur votre ordinateur, PC, Windows. C'est peut-être pas aussi détaillé que certains autres logiciels qui servent à faire ça, mais celui-là est très transportable, très facile d'utilisation. Ça affiche l'information essentielle et très, très rapidement. Ça prend vous pouvez aussi prendre une snapshot, une photo de vos détails de système, les sauvegarder et les revoir plus tard. Donc, ça dit, bon, par exemple, vous avez tel lecteur CD, DVD. Si vous voulez faire réparer votre ordinateur, par exemple, ça pourrait être utile. Ça s'appelle Specchi. Très facile à transporter sur un lecteur USB. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Tiens, iBin, qui est une poubelle, si on veut, ou un recyclage. C'est dans Windows, la petite poubelle. Elle s'appelle comment déjà en français? Recyclage. Corbeille. Voilà. Donc, la corbeille dans Windows peut être facile d'utilisation pour bien des gens, évidemment. C'est toujours le fun quand on a tendance à effacer des affaires comme ça à bout portant. Hein? Ouais. Donc, Windows, normalement, envoie les articles effacés à la poubelle, ce qui veut dire que vous avez une deuxième étape. Là, vous pouvez confirmer avant de l'effacer. Sauf si votre fichier est sur une clé USB. Dans ce cas-là, ça rend la chose plutôt difficile parce que la corbeille ne les retient pas. Tu as sûrement déjà vécu ça. Effacer un fichier sur une clé USB et pouf, il est disparu. C'est triste. Ben, iBin vient contrer ça. C'est une application portable qu'on peut mettre sur une clé USB pour créer une corbeille portative. Donc, dans le fond, ce que tu as à faire, c'est télécharger iBin, le copier sur ton lecteur flash, sur ta clé USB, le partir là. Et bien, aussitôt que vous allez effacer un article ou un fichier, une fenêtre va faire un pop-up pour vous demander si vous voulez l'effacer ou l'envoyer à votre iBin. Vous pouvez ensuite cliquer droit sur l'icône iBin dans la barre des tâches et puis faire annuler. C'est génial. Wow, est-ce que ça prend beaucoup de place? Ou... Tout petit. C'est tout petit. C'est petit comme Tom Cruise. C'est petit comme... C'est microscopique. Pareil comme Tom Cruise. Vraiment, c'est vraiment que petit. Tiens, allons-y avec quelques petits derniers rapidement comme ça. J'irai avec Simply Noise. Ah, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Même que je pense que je vais vous le faire entendre. Même toi, Kiwan, tu vas pouvoir me dire si tu peux deviner qu'est-ce que c'est que ceci qui devrait commencer à jouer maintenant. C'est quoi, ça, tu penses? De la pluie? Non, devine encore. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble un peu à... À? Du... White... Noise? Non, tu l'auras pas. Je l'ai dit au complet. White noise, du white noise. Okay, c'est du white noise, je savais. Je savais que tu le saurais. J'hésitais entre ça ou un ours qui mange un randonneur. C'est pareil, hein, vraiment. Ouais. Donc, tu peux glisser sur le simplynoise.com. C'est du bruit un petit peu comme la neige à la télé, tu sais. C'est supposé te relaxer. Donc, tu peux glisser et choisir ta sorte de white noise. Tu peux avoir du pink noise aussi, une autre chose, là. Je connais pas trop ça scientifiquement, là. Tu peux faire du brown noise aussi. Du brown noise. Ben ouais, du brown noise. Mais toi personnellement, est-ce que ça te détend d'entendre ça? Moi, ça me stresse. Moi aussi, ça m'agresse un petit peu. Mais des gens que ça... D'ailleurs, j'aimerais ça que t'arrêtes. En fait, je devrais arrêter parce que les gens vont penser qu'ils sont juste pas sur le poste. Ouais, les gens sont au 89.3. 89.2. 89.2. Je pense pas qu'on puisse sélectionner des demi... Ah, les gars. Donc, sur simplynoise.com, vous avez qu'à glisser la petite glissière, trouver votre zone confortable et savourer un zen auditif, dit le site. Ça peut aider à dormir, ça peut améliorer votre vie privée. Bon. Bloquer les distractions. Ça peut aussi aider pour apparemment configurer les équipements audio. Je suis pas un professionnel là-dedans non plus. Et ça peut relaxer les migraines, dit le site. En fait, si vous allez sur Wikipédia, Wikipédia, hein? Go on the Wikipédia! Vous allez pouvoir en savoir plus sur ce bruit blanc. Peut-être que les amateurs de radio AM vont trouver ça vraiment relaxant. Ah ben, en effet. Comparé à écouter la radio AM, c'est quand même relaxant. Et le site est encore une fois simplynoise.com pour ceux que ça intéresse. Je vais vous laisser d'autres liens, entre autres sur assemblagerequis.com. Oui, entre autres, une extension pour améliorer votre roulette dans Google Chrome, parce que Google Chrome, qui est le furteur alternatif de la part de Google, la roulette va pas super bien dans ce logiciel-là pour certains, parce qu'il y en a qui, pour qui c'est bien important, la roulette, dont moi. C'est pour ça ma grosse souris, Logitech Super Deluxe. Bref, configurez ça. Et puis d'autres petits liens pour écouter YouTube en direct avec des amis sur Internet. Pas qu'à d'autres choses comme ça sur www.assemblagerequis.com. Si vous voulez améliorer votre vie de geek, c'est ce qu'il faut faire. Assemblagerequis.com. C'était la chronique Utilitruc. C'était la chronique de mardi dernier, Utilitruc à CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis, diffusée ici à C'est Fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Tout à l'heure, on va faire les chroniques de mercredi et de jeudi, c'est-à-dire Nouvelles du futur et le fil. Mais avant ça, regardons un petit peu quels jeux vidéo sortent cette semaine, hein, pour la semaine du 17 janvier 2010, selon GameSpot.com. Il y a Dark Void qui sort sur PC et PlayStation 3, ça c'est le 19, donc demain mardi. C'est sur Xbox 360 aussi, voilà. Ensuite, Twin Sector, qui est coté 4.0 par GameSpot. Ça sort demain, c'est un jeu d'action-aventure. Silent Hill Shattered Memories sur PlayStation 2, c'est un jeu d'action-aventure qui sort demain. Glory of Heracles sort aujourd'hui, c'est un jeu de rôle sur la Nintendo DS. Orb and the Oracle sort sur PC, c'est un autre jeu de rôle. Death by Cube sort le 20 janvier, c'est un jeu d'aventure, oui. Ouh! Vous tirez des lasers avec un robot. Wow. Dark Void Zero sort demain. C'est un jeu de plateforme. Vandal Hearts Flames of Judgment sort le 20. C'est un jeu de rôle. Shepherd's Crossing 2 sort sur Nintendo DS. C'est demain. C'est un jeu de stratégie. Bejeweled Twist sort sur DSiWare. Donc ça, c'est des jeux qu'on peut télécharger sur la Nintendo DSi. C'est un puzzle et ça sort aujourd'hui. Satisfaction, c'est un jeu de mots. Ça sort sur la Nintendo Wii demain. C'est un jeu de réalité virtuelle, vie virtuelle si on veut. Et finalement, Starship Patrol sort aujourd'hui. C'est un jeu d'action. Voilà pour les nouveautés en magasin pour la semaine du 17 janvier 2010. C'est sur GameSpot et allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Tantôt, la chronique de mercredi, Nouvelles du futur, mais avant ça, on retourne écouter un petit peu de musique soit basée sur les jeux vidéo, inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo. Voici Henry Home Sweet avec Morning Mayan tout de suite à CNX.zip, à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est Fou 89 FM. Thank you. La pièce Morning Mayan par Henry Home Sweet à CNX.zip. Un stoner jam, selon Henry Home Sweet, fait avec Game Boy Advance, Nano Loop, une caméra Game Boy, DJ Mixer, pédale de reverb, et aussi quelques filtres. Mais sinon, c'est pas mal un set live. Quelques petites modifications, un petit peu, mais bon. Henry Home Sweet fait beaucoup de hash. Henry Home Sweet, Morning Mayan. Voilà, allez voir assemblagerequis.com pour le lien, bien évidemment. Alors que nous, on s'en va écouter la chronique de mercredi dernier à CNX.zip. Voici Nouvelles du futur. Mercredi. Et aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est une nouvelle du futur. Donc, on parle de choses qui vont avoir lieu dans votre salon, chambre à coucher, cuisine, dans un futur plus ou moins rapproché. C'est pas assez précis, ça, tu penses? C'est magique. Commençons par un article vu sur la presse canadienne. Une nouvelle technologie mise au point au Canada utilise la radio pour activer à distance des appareils électroménagers. L'entreprise eRadio et CBC Radio-Canada ont annoncé qu'ils avaient réussi à la mise à l'essai de cette technologie qui, selon eux, pourrait révolutionner la consommation d'électricité. Le directeur d'eRadio, Jackson Wong, a expliqué que des mini-récepteurs qui captent la fréquence de la radio FM peuvent être installés sur des thermostats à l'intérieur de lave-vaisselle ou de sécheuse. Et c'est un dispositif de commande à distance qui peut les allumer ou les éteindre. Éventuellement, le but sera de permettre aux gens de contrôler leurs appareils électroménagers, peu importe où ils se trouvent, et ce grâce à leur connexion Internet de leur téléphone cellulaire. Ainsi, ces appareils peuvent être activés ou désactivés grâce à un message envoyé à travers un signal radio de la bande FM. Mais les transmissions de radio ne seront pas perturbées par la transmission de données sur les fréquences FM. Une station de radio torontoise ainsi que d'autres radios privées au Canada et aux États-Unis ont également scellé un partenariat avec eRadio. Mais la compagnie travaille désormais avec un diffuseur public puisque les signaux FM de CBC Radio-Canada peuvent être captés par près de 99% de la population canadienne. Les entreprises de services publics pourront également utiliser des récepteurs sans fil pour contrôler la consommation d'énergie dans les maisons. Le premier vice-président, stratégie d'entreprise et partenariats commerciaux de Radio-Canada a indiqué dans un communiqué que le diffuseur était fier de participer au lancement de cette innovation mise au point au Canada. C'est une façon innovatrice pour CBC Radio-Canada de maximiser l'utilisation de son infrastructure radio pour le bénéfice des consommateurs canadiens et de l'environnement en général. Ça, j'avais entendu parler déjà de cette nouvelle-là cette semaine. Je suis pas sûr de comprendre. Dans le fond, tout le monde peut utiliser, va pouvoir utiliser avec ça la bande FM comme il le veut au moment où il veut, c'est ça. Je comprends. C'est ce que ça dit. C'est étrange. Moi, je pensais au départ qu'on avait entendu parler de ça. Je pensais que c'était comme un signal que le diffuseur radio envoyait, tu sais, lui-même envoyait à un certain moment, donc c'était tout le monde en même temps. Là, la manière que tu l'as expliqué, tout le monde, tu peux choisir, dans le fond, quand est-ce que tu vas actionner tes appareils chez toi, ton lave-vaisselle, quelque chose du genre. En tout cas, ça reste un petit peu... C'est vague encore, un peu, ouais, comment la technologie va marcher concrètement, mais si au moins on nous précise que ça ne va pas affecter la qualité de leur service radio, déjà, on est content. Ben, en tout cas, même si on comprend pas tout à fait exactement comment ça marche, c'est quand même une très grande nouvelle, parce que ça coûte quand même cher, toutes ces infrastructures-là, la radio publique, et puis tu sais, je suis pas en train de remettre en doute absolument pas là, son existence, là, vraiment pas, sauf que tu sais, s'il y a moyen de maximiser vraiment son utilisation, tant mieux. Tout à fait. On précise sur l'article de branchez-vous.com que c'est pas une arnaque. Nokia a demandé à la designer d'origine chinoise Daisy Zhang de concevoir un prototype de cellulaire écologique capable de transformer le sucre des boissons gazeuses en source d'énergie pour le recharger. Hein? Le concept est d'utiliser une batterie bio pour remplacer la batterie traditionnelle afin de favoriser un environnement sans pollution. Les batteries de cellulaire sont dispendieuses, disent-ils. Leur fabrication exige un grand nombre de ressources et les jeter à la poubelle engendre un sérieux problème environnemental. C'est ce qu'a expliqué la conceptrice du prototype de l'entreprise finlandaise Nokia. Le prototype est doté de plusieurs piles à combustible produisant de l'énergie à partir de glucose intégré aux boissons très populaires sur le continent américain. D'abord, des enzymes spécifiques décomposent la boisson pour extraire les atomes d'hydrogène. En suivant un parcours préétabli, les électrons des atomes d'hydrogène génèrent l'électricité dont l'appareil tirera profit. La batterie expérimentale serait écologique puisqu'elle ne rejette que de l'eau et de l'oxygène. Grâce à une seule dose de soda, le téléphone fonctionnerait de 3 à 4 fois plus longtemps qu'une batterie au lithium à pleine recharge. Cette dernière, Madame Zhang, poursuit en affirmant que la batterie pourrait être complètement biodégradable. D'ailleurs, on dit que Nokia s'est fait décerner la première place du palmarès des entreprises éco-responsables par Greenpeace récemment. La seule chose qui reste à déterminer est à quel point le cycle de production complet des boissons gazeuses, c'est-à-dire plastique, distribution, etc., a réellement un impact moindre que celui des batteries qui intègrent de moins en moins de composants toxiques sur l'environnement. Plusieurs autres entreprises ont déjà exploré le potentiel d'utilisation d'autres sources d'énergie écologique. À la fin du mois d'octobre, Toshiba avait lancé un chargeur externe de batterie cellulaire carburant au méthanol et Sony avait développé une technologie capable de produire de l'énergie à partir de jus et même à l'extrême avec du sang humain ou de la sueur. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Pendant que tu faisais la nouvelle, j'y pensais justement, est-ce que c'est si mieux que ça, tu sais, d'utiliser de la boisson gazeuse, faut quand même que la produire, là, ouais. la transporter, la distribuer, les emballages, tout ça. C'est quand même bizarre, mais bon. Voilà. C'est un petit pas vers quelque chose de bien. Le géant des télécommunications américaines AT&T, qui cherche à se faire un nom dans le domaine de la télésanté, ce qu'on appelle le télé-health en anglais, est en train de développer des prototypes de nouvelle génération de produits de la vie quotidienne qui peuvent se connecter à des réseaux de communication pour suivre à distance les évolutions de la santé des personnes qui les utilisent. Ça, c'est selon un article de technote.cyberpresse.ca. L'un des derniers prototypes est une paire de chaussons, les Smart Slippers, donc des bas, dévoilés le mois dernier à l'occasion du AT&T Technological Showcase à San Francisco. Chauds et confortables, ils sont équipés de capteurs de pression et d'un accéléromètre intégré dans la semelle intérieure qui transmet les données sur les mouvements de la personne qui les porte vers le réseau de son domicile. Les données recueillies peuvent porter sur les habitudes de marche de l'utilisateur, par exemple pour une personne âgée, sa posture et son équilibre. Les chaussons intelligents peuvent faire la différence entre un bon et un mauvais équilibre et les semelles peuvent envoyer des messages par courriel ou par SMS à un docteur si jamais l'équilibre se détériore. Wow! Le but de ce type de produit est de connecter des objets de la vie quotidienne à un réseau afin de surveiller à distance la santé des patients, empêcher les accidents, réduire les visites à l'hôpital. Tout ça permet également de diminuer les coûts médicaux. Parmi les autres objets de la vie de tous les jours qui sont testés par AT&T, on trouve également des thermomètres, des balances, des Their Connected Products, the company is testing include. Ça, je pense que ça s'appelle, on a piqué l'article sur un site américain et on a oublié de traduire la fin du paragraphe par technote.cyberpresse.ca, mais bon. Donc, il y a aussi des boîtes à pilules qui rappellent aux patients de prendre leurs médicaments et qui communiquent l'information à une base de données monitorée par un professionnel de la santé. Wow! Je vais te laisser le choix pour le dernier article parce que le temps avance. T'as le choix entre ESPN et Discovery qui auront leur chaîne de télé diffusant exclusivement en 3D, un appareil pour contrôler l'utilisation du cellulaire des enfants ou Facebook, un moyen moderne pour trouver le bon sang. Sans SNG. Télévision 3D. Allons-y. Les deux chaînes de télévision américaines ESPN et Discovery ont annoncé qu'elles allaient lancer chacune une chaîne diffusant du contenu en 3D. Cette technologie-là va être mise à l'avant en 2010, d'autant plus que plusieurs entreprises profiteront du CES, ont profité récemment du CES, oui, c'est au passé, pour présenter leurs téléviseurs et leurs lunettes 3D. Donc, dès le 11 juin prochain, le diffuseur ESPN, la chaîne de sport, là, c'est comme RDS, commencera à proposer des événements sportifs en direct sur une nouvelle chaîne de télé 3D qui s'appelle ESPN 3D. Une date bien choisie puisqu'elle lui permettra de diffuser le premier match marquant d'ouverture, de la Coupe du Monde 2010 de soccer opposant l'Afrique du Sud et le Mexique. Plusieurs rumeurs sur le web avaient déjà dévoilé que Sony allait fournir les caméras capables de filmer les images en 3D, mais le fait de rendre ces images accessibles sur les téléviseurs du grand public a vraiment été une nouvelle à ce moment-là. Néanmoins, ESPN n'a pas l'ambition d'y diffuser des événements sportifs tout au long de la journée. Entre deux événements, l'écran devient tout simplement noir. Étrange. C'est bizarre parce que les chaînes haute définition, quand les émissions sont pas en haute définition, ils diffusent normalement avec des barres sur les côtés. C'est quoi? WTF, comme dirait OK Go. Durant la première année de diffusion, 85 événements sportifs américains seront présentés en direct sur cette chaîne 3D. Plus précisément, le président de ESPN et ABC Sports a annoncé que 25 matchs de soccer et des matchs de la NBA pourront être visionnés dans le format 3D. Vraiment cool. Les intéressés vont devoir se munir de lunettes, évidemment, spécifiquement conçues pour tirer profit de cette technologie. Et, évidemment aussi, de téléviseurs prenant en charge le 3D. Dans le même ordre d'idées, Discovery a aussi annoncé le lancement d'une chaîne diffusant exclusivement des émissions en 3D en partenariat avec Sony et IMAX. Eux autres, par contre, ça va être vers la fin 2010, début 2011. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas annoncé quelles seraient les émissions diffusées en 3D, mais on dit que plusieurs émissions scientifiques et sur la nature issus du catalogue de Discovery et de IMAX vont être présentés. Sony est certainement l'une des entreprises qui profitera le plus de la popularité du 3D chez le grand public puisque l'entreprise possède une expertise à tous les niveaux. Voilà pour les nouvelles du futur plus ou moins rapprochées dans le bloc CNX. C'était la chronique de mercredi dernier, Nouvelles du futur, dans CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis, diffusée ici à C'est fou du lundi au jeudi, entre 15h et 17h. Tout à l'heure, il nous reste la chronique de jeudi, le fil, ainsi que de la musique de jeux vidéo et un petit retour dans le passé. Alors, restez avec nous à CNX.zip. Tu me prends pour un imbécile, hein? C'est fou, ça va raser. 89.9. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, vous êtes toujours à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio et on compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis diffusées ici même à C'est fou en fin d'après-midi là, entre 15h et 17h du lundi au jeudi. Alors soyez-y, c'est avec moi et Kiwan. C'est lui la voix bizarre là, que vous entendez, qui n'est pas la mienne, qui est soi-disant tout aussi bizarre et quasiment gossante, je dirais. Tout à l'heure, il nous reste la chronique de jeudi dernier, c'est-à-dire le fil sur les nouvelles geeks de la semaine. Mais avant ça, on s'en va entendre une très très bonne pièce de chiptune, c'est-à-dire la musique soit créée à partir de consoles de jeux vidéo, inspirée par les jeux vidéo, je sais dessus, n'importe quoi. Donc, c'est Shibitech, voici une pièce qui se nomme Ani Rabu Damon, It's Annie Love. C'est à CNX.zip, en plein en direct du carnaval étudiant de l'UQTR. Rabu Damon, It's Annie Love. Par Chibitech. Ah, j'adore celle-là. Vraiment très, très bonne. Chibitech. Inspiré apparemment par le R&B du début des années 90, c'est ce que l'artiste dit. Vous pouvez aller retrouver les paroles en japonais et en anglais. Je sais qu'il n'y a pas de paroles dans la chanson qu'on a écoutée là, mais le gars ou la personne a composé les paroles. Donc allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Nous, on écoute la chronique de jeudi dernier. Voici le fil. Jeudi. Aujourd'hui dans la chronique technologique, le fil qui est particulièrement sexy aujourd'hui, je vous dirais. Aujourd'hui dans la chronique technologique, CNX, oui, c'est mêlant ça, hein? Tu trouves pas ça mêlant, toi? Non. Que je donne des noms à chacune de mes chroniques, mais c'est le même que je suis. Ben, un jour, on va finir par comprendre, puis même les apprendre par cœur. Donc aujourd'hui, c'est le fil. Ça fait quand même 6 ans que l'émission dure et que c'est les mêmes noms de chroniques pas mal depuis le début. Là, j'espère que les gens s'habituent tranquillement pas de temps. Oui. Hein, Kiwan qui a jamais écouté CNX de sa vie. Tu viens de l'avouer. Non, ouais, non. Donc, aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est le fil. Donc, on parle des nouvelles les plus geeks de la semaine, des choses qui sont passées dans le monde, soit des jeux vidéo, des technologies, de l'informatique, des plein d'affaires comme ça. Ça peut être pas mal n'importe quoi, finalement, le fil. C'est juste des nouvelles geeks. Commençons avec une rançon jusqu'à 100 000 $ pour qui prouvera l'existence de la tablette d'Apple. Est-ce que tu as entendu les rumeurs par rapport à la tablette d'Apple, mon cher Kiwan? La tablette. La tablette, l'ordinateur portable, mais qui n'est pas un portable, qui n'est qu'une tablette sur laquelle tu peux écrire. C'est comme un écran. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un écran de portable, mais tactile. Okay. Ce serait comme un iPod Touch géant. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que t'aimes l'iPod Touch et l'iPhone? Tu t'en penses de ça, toi? Ben, moi, je suis pas très Mac, là, à la base. Mais même les gens qui ne sont pas Mac peuvent aimer l'iPhone. Ouais, je sais. J'ai un iPod, là, mais quand même. Non, je suis pas. Tu me connais, je suis vraiment pas technologique, donc c'est sûr que. Tu sais, j'ai même pas de téléphone ordinaire, donc c'est sûr que j'aurai jamais un iPhone. Et non, je suis pas. Trop bon pour ça. Non, c'est vraiment pas ça. Bon, donc là, de ne pas. C'est quoi ça? C'est trop bon pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Je suis pas très, très Mac. Moi, les Macs, c'est trop fancy pour moi. Mais non, je connais rien au Mac. C'est correct. Je te le montrerai. Donc, là, de ne pas savoir à quoi s'en tenir, le site américain Valleywag a annoncé qu'il allait remettre jusqu'à 100 000 $ américains à la première personne capable de prouver l'existence de la tablette d'Apple. Les chercheurs de Prime n'ont qu'à leur envoyer des photos, des vidéos ou la tablette elle-même. Je pense qu'ils veulent juste des scoops. Ils veulent pouvoir jouer avec avant tout le monde. La nature des preuves amenées par les intéressés détermine le montant versé par Valleywag. Donc, voici les montants des différentes récompenses offertes par le site. 10 000 $ pour des photos, 20 000 $ pour une vidéo de la tablette en action, 50 000 $ pour une photo vidéo de Steve Jobs la tenant dans ses mains et 100 000 $ pour avoir un exemplaire de la tablette et jouer avec pendant une heure. Puisque les rumeurs veulent qu'Apple présente sa tablette à San Francisco le 27 janvier prochain, le montant sera versé en argent sonnant seulement une fois que l'authenticité de la tablette qui leur aura été présentée aura été confirmée. Valleywag assure que l'identité des participants restera confidentielle, qu'ils gagnent ou non. Il y a certaines règles qui s'appliquent et les participants n'ont qu'à aller visiter le site valleywag.com pour en savoir plus. C'est incroyable. C'est beaucoup d'argent quand même, là. Et que oui. Pour quelque chose qui va être révélé dans moins de 2 semaines, tu sais, pour 2 semaines de scoop, là, de priorité, ouais. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais les fanatiques de Mac, je suis un fan de Mac, bon. Mais tu sais, de là à vraiment baser ma vie presque au complet sur cette nouvelle-là, je sais pas. J'ai hâte de voir ça et que ça s'en vienne. Mais de là à essayer de trouver des photos puis essayer de me faire payer pour ça ou même comment être Valleywag et demander des photos, c'est intense, ça. Bon. Parlons un petit peu de Google qui a officialisé un service permettant de téléverser, donc d'uploader n'importe quel type de document vers Google Docs et de s'en servir tel un disque dur virtuel. Mais attention, n'appelez surtout pas ce service G Drive. Google a démenti à TechCrunch qu'il s'agissait de G Drive, qui est un service pourtant en tout point similaire à celui qui vient d'être officialisé par l'entreprise et qui faisait l'objet de rumeurs depuis quelques mois déjà. Google n'a qu'une phrase en tête, G Drive n'existe pas. Il serait plutôt fait intégré à un autre service qui s'appelle Google Docs. C'est là qu'on peut éditer des documents à la Word ou Excel, donc c'est un service en ligne. Par l'intermédiaire de Google Docs, l'utilisateur va pouvoir stocker en mode privé ou public, organiser et partager ses documents, ses fichiers compressés, ses images, ses vidéos ou ses fichiers audio. Chacun des fichiers doit avoir une taille inférieure à 250 MB, ce qui est quand même pas mal. Le recours à Google Docs Viewer permet de parcourir tous les contenus, à l'exception des vidéos. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, l'article vous montre comment utiliser le service, il vous en parle. Et on dit que c'est gratuit, mais ça a des limites. Donc, le service qui sera déployé au cours des prochaines semaines offre gratuitement un espace de stockage de 1 gig. Chaque gig supplémentaire va coûter 25 cents américaines. L'activation du service va être notifiée aux utilisateurs par l'apparition d'une bulle informative lors de l'ouverture de leur compte Google Docs. Voilà. Toujours au sujet de Google, l'American Dialect Society, ou l'ADS, a élu le mot « tweet ». Nom commun, court message envoyé par le service Twitter.com, un tweet. Et c'est aussi un verbe, donc l'acte d'envoyer des messages, to tweet. C'est le mot de l'année 2009. Le 9 janvier, la société linguistique a également couronné le verbe anglais to Google, donc un terme qui voudrait dire chercher sur Internet. Mot de la décennie. L'ADS sélectionne les mots qui ont fait une entrée récente dans le langage parlé aux États-Unis. Parmi les autres mots de la sélection, pour le titre de mot de l'année, on trouve H1N1, évidemment. Fail, sur Internet, une expression assez populaire qui veut dire que quelque chose est un échec lamentable, donc fail. Hein? Dracula Sneeze, qui est un éternuement dans le creux de son bras, comme t'aimes faire des fois. Dracula Sneeze, donc un éternuement à la Dracula. Hein? Sinon, il y a plein d'autres mots, là, 11 septembre, blog, vert, texto, guerre contre la terreur et Wi-Fi. Le gars qui préside le comité des mots, des nouveaux mots de l'ADS a fait commentaire sur les mots gagnants. Il dit « Les deux mots sont, en fin de compte, des produits de l'ère de l'information dans laquelle toute personne a la capacité de satisfaire sa curiosité et de partager du contenu avec ses followers ou les gens qui les suivent. Ça a été fondé en 1889 sur l'American Dialect Society et ça réunit des chercheurs et des amateurs, des professionnels et des dilettantes, des professeurs et des écrivains qui participent tous au processus de vote. » Si je te dis le mot « torn », à quoi tu penses « torn » À « Pete Yorn » À Pete Yorn. Pete Yorn. Thorn, parce que ça sonne pareil. Ah ouais, ok. Je connais pas. Donc, automatiquement, ça me fait penser à Scarlett Johansson. Donc, automatiquement, ça me fait penser à des choses que je ne peux pas dire à la radio. Tu sais, c'est ça que ça me fait penser. Ben oui. Les géographes diront peut-être que c'est un fleuve frontalier séparant la Suède et de la Finlande. Hein, c'est vrai. Les amateurs de musique pourront penser qu'il s'agit en fait de Thorn, le premier titre de chanteuse et actrice australienne Nathalie Imbruglia. D'accord. En réalité, par contre, Thorn est un appareil innovateur destiné à la PlayStation 3. Hein? C'est vrai, c'est sur le blog Branchez-vous électronique qu'on en parle. Le Thorn est en fait capable d'être un enregistreur numérique pour la console de Sony. C'est ce qu'il fait. Il suffit de le connecter par USB à la console et le tour est joué, ou presque. Il faut préalablement avoir installé un logiciel qui est vendu avec le produit sur le disque dur de la PS3. Grâce à ça, il va être possible d'enregistrer les émissions de télé en haute définition. Les ingénieurs semblent avoir bien conçu le Thorn, puisqu'on pourra toujours jouer à un jeu ou regarder un Blu-ray pendant l'enregistrement. C'est presque autonome. Les émissions enregistrées pourront être visionnées sur une télé, mais elles pourront aussi être transférées vers une PSP, ce qui est vraiment bien. C'est calqué sur le modèle de Play TV en Europe. C'est prévu pour le mois de mars au Japon pour environ 112 $ canadiens. Un peu cher, mais quand même pratique. Pas de date de sortie pour le Québec, par contre, en ce moment. Tiens, je vais te laisser... Est-ce que j'en fais un autre avant de te demander de choisir? Non, hein? Non? Oui? Non? Oui? Oui, vas-y. Oui? D'accord. OK. Je vais y aller avec, dans ce cas-ci, les réseaux sociaux qui ne nuiraient pas au sommeil des étudiants. Les étudiants qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux sur Internet ne dorment pas moins que les autres, malgré une idée reçue selon une étude publiée sur le site Internet de l'Université américaine du New Hampshire. Une grande utilisation des sites de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube ou des blogs n'aurait pas d'influence sur le nombre d'heures que les étudiants passent à dormir. Les chercheurs de l'Université du New Hampshire ont analysé le comportement de près de 1250 étudiants de cette faculté. Ils ont découvert que les gros utilisateurs de réseaux sociaux par Internet ne dormaient pas moins que ceux qui consultent peu ces réseaux sociaux. 60% des étudiants... j'ai mué pendant que je disais la nouvelle. 60% des étudiants qui ont une faible utilisation des réseaux sociaux et 60% des étudiants qui utilisent beaucoup ce type de site Internet sont considérés comme des petits dormeurs. Environ 12% des étudiants qui utilisent respectivement... Non, mais est-ce que c'est défini dans l'article qu'est-ce qui est, combien d'heures, par exemple, ça représente être un grand utilisateur de réseaux sociaux? Ils disent pas, là. Oui, ça en parle. Oui. Les chercheurs ont considéré que les étudiants utilisant les réseaux sociaux moins de 30 minutes par jour étaient des petits utilisateurs. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux plus de 60 minutes par jour étaient considérés comme des gros utilisateurs. Il me semble 60 minutes, gros et 30, petit. Il me semble la distance n'est pas assez grosse. Ouais, puis c'est vague, là. Plus de 60, ça veut dire qu'ils font pas de différence entre une heure ou quatre heures. Exactement, exactement. Environ 12% des étudiants utilisant respectivement peu et beaucoup ces réseaux sociaux sont considérés comme des gros dormeurs. Pour cette étude, les chercheurs ont considéré que les étudiants utilisant les réseaux sociaux... pardon, c'est celui que j'ai déjà lu. C'était l'autre avant qu'il fallait que je fasse. Les chercheurs ont également mis au jour que les plus gros dormeurs sont les étudiants de première année. 32% de gros dormeurs, tandis que les étudiants les plus âgés dorment le moins, c'est 18% de gros dormeurs. Les scientifiques ont considéré que les étudiants qui dormaient 7 heures ou moins par nuit étaient des petits dormeurs et que ceux qui dormaient 9 heures et plus étaient de gros dormeurs. Les marges sont quand même, tu sais, je sais pas, ça dépend. C'est là, je vais te laisser choisir. Hein. T'as le choix entre réduire l'impact écologique des télécommunications, les ondes des cellulaires protégeraient la mémoire ou encore béni soient les cellulaires. Le premier, la nouvelle écologique. D'accord. Les opérateurs AT&T, China Mobile, Portugal Telecom, Swisscom, Telefonica ont lancé en partenariat avec des laboratoires et instituts de recherche une initiative baptisée Green Touch visant à réduire l'impact écologique des télécommunications. Ce consortium est dirigé par les Bell Labs, unité de recherche de l'équipementier franco-américain Alcatel-Lucent. Son objectif est de créer des technologies nécessaires pour rendre les réseaux de communication 1000 fois plus efficaces énergiquement qu'ils le sont aujourd'hui. Si ce but est atteint, la quantité d'énergie aujourd'hui nécessaire pour utiliser tous les réseaux, y compris l'Internet, pendant une seule journée, permettra de faire fonctionner ces mêmes réseaux pendant 3 ans. Parmi les laboratoires et instituts de recherche impliqués dans le projet se trouvent notamment le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, en France, ou encore le laboratoire de recherche Freescale Semiconductor. La première réunion du consortium aura lieu en février et sera consacrée à la définition d'un programme sur 5 ans. Bonne nouvelle. On aime ça. Voilà, c'était le fil dans le bloc CNX. C'était la chronique de jeudi dernier, le fil à CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques d'assemblage requis. Les chroniques CNX, ce sont leurs noms. Mm-hmm. Avant de terminer l'émission, ou presque, hein, on va parler un petit peu des jeux les plus populaires sur GameSpot.com en ce moment même, qu'ils soient sortis ou non. En 6e position, c'est Darksiders sur Xbox 360, un jeu d'action côté 8. En 5e, c'est Army of Two, The 48th Day sur PlayStation 3, un jeu d'action côté 7.5. En 4e, Dragon Age Origins sur Xbox 360, c'est un jeu de rôle côté 8.5. En 3e, il n'est pas encore sorti, il va sortir le 9 mars 2010, oui. Resident Evil 5 Gold Edition sur PlayStation 3. C'est un jeu d'action. En 2e, c'est Dragon Age Origins sur PC, un jeu de rôle coté 9.5 et c'est même le choix de l'éditeur. Et le jeu numéro 1 aujourd'hui est Mass Effect 2 sur Xbox 360 par Electronic Arts. Ça sort le 26 janvier et c'est coté M pour mature. Je le disais en début d'émission, c'est le 6e anniversaire, pas mal, dans ces coins-ci. Là, ça a commencé le 13 janvier 2004, oui, donc 6e anniversaire de CNX. Et puis j'avais envie de juste parler de quoi qu'on parlait dans ce temps-là. Tu sais, je me suis rappelé des choses. Dans l'émission, la première, du 13 janvier 2004, on parlait entre autres de la grosse console là, mythique, la Phantom. Et les sites de la semaine étaient Game House et Yahoo Games, donc on voulait jouer sur Internet, c'était le sujet de la semaine. Ensuite, en janvier 2005, on parlait du nouveau iPod Shuffle qui sortait, oui, et de Apple qui levait le voile sur le Mac Mini aussi. le PC de Bill Gates qui plantait lors d'un discours d'ouverture, ou encore le nouveau jeu de Mario, Dance Dance Revolution, Mario Mix, sur les critiques. On avait 3 critiques dans cette émission-là en 2005, c'était incroyable comment c'était le fun. Critique GameCube, le jeu 13, sur PlayStation 2, Test Drive, Eve of Destruction, et sur Xbox, Forgotten Realms, Demon's Stone. C'est une grosse émission cette semaine. 12 janvier 2006, on parle de Levi's qui allait créer un jean compatible iPod. C'était aussi le Macworld 2006. Le MacBook Pro remplaçait le PowerBook. Hein, et les premiers iMac avec CPU Intel. Et puis le retour du iPod Shuffle. Il y avait aussi 3 critiques cette semaine-là. 2 sur Game Boy Advance et 1 sur PlayStation 2. Final Fantasy 12. Oui, très bien. Ensuite, en 2007, l'émission du 11 janvier, fin tragique pour une romance en ligne. Il y avait YouTube qui pourrait avoir permis d'arrêter un homme recherché pour meurtre. Des HD-DVD piratés qui se retrouvaient sur Internet. Des sujets qui sont encore très valides aujourd'hui, hein, comme BitTorrent, IsoHunt était mis hors ligne en 2007. On parlait, il y avait des rumeurs qui couraient que Safari, le furteur de Apple, allait venir sur Windows. Ça a été fait, c'était vrai. Il y avait la présentation du iPhone à Macworld. C'était la première fois en 2007 qu'on entendait parler du iPhone, qu'on le présentait, qu'on le voyait. Il y avait une dame qui s'était intoxiquée à l'eau en tentant de gagner une Nintendo Wii parce que la Nintendo Wii se faisait très, très rare à ce moment-là. Donc, il y avait un concours dans une station de radio et Jennifer Strange avait participé au concours Hold Your Wii for a Wii, la station de radio qui demandait à ce que les participants boivent la plus grande quantité d'eau sans aller aux toilettes afin de gagner une Wii. Hein. Très, très intelligent. Après avoir participé au concours, Strange avait repris la route pour se rendre à son domicile et c'est à ce moment-là qu'elle s'est plaint de violents maux de tête et elle s'est plaint de maux de tête à son patron avant de verser des larmes tant la douleur était insupportable. Ce fut la dernière fois qu'on entendait la voix de Strange. Incroyable. La mère de cette dernière l'a retrouvée morte à son domicile après avoir reçu un appel des policiers. Donc, ça se passait en 2007. Intoxication à l'eau. Et la même semaine, les médias britanniques rapportaient la mort plutôt tragique d'un jeune londonien de 7 ans nommé Connor O'Keefe. Alors qu'il était toujours en contact avec l'eau, le garçon avait tenté de débrancher son Game Boy qui venait d'être rechargé. Ah, évidemment, la presse, la sensation britannique en a profité pour écrire des titres plutôt trompeurs, comme un garçon de 7 ans meurt avec un choc électrique de Game Boy ou tué par son Game Boy donné à Noël, alors que c'était clairement la faute du garçon ou de ses parents qui l'avaient pas éduqué là-dessus. Hein? Que voulez-vous? Ça, c'était en 2007. En 2008, on parlait de PC World qui décernait le prix de la pire déception de l'année à Windows Vista. L'armée suédoise oubliait une clé USB contenant des documents secrets dans un ordinateur public. Bill Gates participait à son dernier CES. Et finalement, on retombe beaucoup plus récent, oui, en 2009, avec Steve Jobs, en janvier dernier, en janvier de l'année passée, là, qui était en retraite pour se soigner. Et d'un garçon de 6 ans qui conduisait une voiture jusqu'à l'école. Il avait appris ça dans Grand Theft Auto, lui. Voilà, donc ça, c'était les nouvelles qui étaient plutôt connues et lues à chaque année depuis le début de CNX en 2004. Voilà, juste un petit survol rapide comme ça pour se rappeler des bons souvenirs. On fait ça une fois de temps en temps dans la chronique, le Warp. Nous, ben, c'est la fin de l'émission. On va se quitter rapidement sur une pièce de chiptune. C'est Phantom NK avec This Cheapo. C'est un mix disco-chip. Donc, c'est du disco qui rencontre le chip. Ça va être très, très bon. On se quitte là-dessus à cnx.zip et on se retrouve à Assemblage Requis dès 15h. Le dîner de con va commencer dans quelques minutes à 11h. Alors, restez sur nos ondes et puis Sophie Laforêt, après ça, à 13h. Donc, très, très belle journée. Passez-en donc une excellente. Bye-bye.